s'accroche aux branches. Tes bras les premiers rangs quand souffle le vent. Tes bras les premiers rangs. Salut les filles, salut tout le monde, le Rock for Show est de retour pour votre plus grand désespoir, n'est-ce pas Tom? Bonsoir. Salut. Désespoir, je ne sais pas, en tout cas je sais que pas mal de gens nous ont envoyé plein de messages de soutien depuis notre arrêt. C'était quand? C'était en janvier? Non, c'était hier. C'était hier. C'est vrai, on a arrêté la semaine dernière. Non, c'était, oui, 31 janvier. 31 si janvier. Ah là là là. C'était long sans vous pendant toutes ces semaines. Deux mois. Ouais, deux mois. Mais enfin, on vous a quand même envoyé pas mal de rediffusions. Ce soir, c'est du direct 100%. Et on a plein, bah, une montagne de cadeaux pour vous. Déjà, nous, hein, on est un cadeau. Enfin, moi, je suis un cadeau. Toi, pas tellement, mais moi, oui. C'est ce que je viens de me dire. C'est vrai. Hein, parce que toi, il n'y a pas le ruban autour. Non. Mais moi, il n'y a pas besoin du ruban. Moi. C'est vrai. De toute façon, il n'y aurait pas assez de mètres. Et donc, ce soir... Donc, surtout au niveau de la ceinture. Outre le fait qu'on va vous offrir une montagne de cadeaux CD, places de concert, des choses comme ça, on a aussi des invités qui sont des petits cadeaux pour nous. On a Valérian que vous connaissez tous. De bonsoir. Pour MF Crew. Mais là, ce soir, il ne vient pas pour MF Crew, mais de MF Crew. On a Caro qui accompagne Valérian et qui vont tous les deux nous parler de l'association Below the Sun. On en reparle tout à l'heure. Vous allez voir, tout au long de l'émission, ça va être un petit peu le fil rouge, puisqu'il va y avoir des petits morceaux de groupe qu'ils vont vous présenter en concert les semaines, mois prochains, hein, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc ils ont bonne conscience ou pas ? Ils ont bonne conscience, et d'ailleurs, nous avons le monsieur de conscience, le consciencieux, monsieur Matt, bonsoir. Je sais pas si on l'a bien entendu, là, si ? Ouais, c'est ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'on a entendu. Ah, vas-y, refais-le ton bonsoir à tous. À tous. Ah ouais, on t'entend bien, ouais, avec sa petite voix chaleureuse. Est-ce que t'es venu tout seul ? Oui, je suis avec ma guitare. Fais voir, fais voir. Prouve-le, prouve-le. Je m'en fous, prouve-le. Ah, c'est bien. Elle est super bien accordée, c'est génial. Ça va être du conscience hardcore ce soir. Bon, alors, plein de surprises, on vous l'a dit. Il y aura, alors vous écoutez, 06 81 01 28 34 06 81 01 28 34. Ça, c'est le numéro qu'il ne faut pas que vous perdiez, puisque c'est tout au long de la soirée, vous allez pouvoir gagner plein de CD de tout ce qui sort aujourd'hui. Alors là, vous avez entendu Sidi Larsen qui vient de sortir son album live, mon cher Tom. Oui. Qui a été enregistré au Bikini à Toulouse, la ville aux roses. Hein, c'est bien ça ? Yes. Donc c'est le premier album live du groupe Sidi Larsen. Pour fêter leurs 20 ans qu'ils ont sorti ça. Exactement. Mais il était temps, je pense, hein, parce que quand même, un premier album live au bout de 20 ans... C'est vrai. Et ce soir, on a oublié de vous dire, c'est une émission 100% French Metal. Mince, j'ai dit French. Non, groupe français. Ça fait moins bien, mais voilà, groupe français. Et donc, nous avons choisi le titre « Retourner la France ». De Sidi Larsen, je pense que ça collait bien avec ce qu'on va vous proposer ce soir en live. L'album de Sidi Larsen est sorti le 23 mars chez Vericord. C'est un CD plus un DVD, premier album live. Donc comme on vous l'a dit, il contient 20 titres pour fêter les 20 ans. Ouais. Mélange de métal, de rock, de fusion, enfin bref, vous allez vous éclater avec tout ça. Le groupe s'est formé en 1997 et ils nous ont sorti je ne sais plus combien d'albums, mais pas mal quand même. Et sur le DVD, vous allez pouvoir retrouver un reportage de 72 minutes réalisé par Jonathan Koutouli. Hein, qui retrace un petit peu tout ça. C'est Joachim, sur ma feuille. Joachim, ouais, Joachim. Ouais. Pourquoi Jonathan ? Je sais pas. Parce que David, surtout. Ouais. Et donc, vous pourrez donc vous délecter de la carrière de Sidi Larsen. Et bien entendu, il y a un CD plus DVD à gagner. Bien sûr. 06. 80, 01, 28, 34. Alors, la question, elle est simple. Quel âge a Sidi Larsen ? Allez, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle The Walking Dead Orchestra. C'est tiré de l'album Resurrect qui est sorti en 2017. Je crois que ça devait être octobre 2017. Oui, le 13 octobre 2017 sur le label Unique Leader Record. Et surtout, ils seront en concert. C'est un groupe qui nous vient de Grenoble. Ils seront en concert quand, mon cher Tom ? Tu me poses une question. Le 30 ? Le 30 oui, mars. Oui, à Bagnolet. Oui, c'est ça, exactement. Praetoria, Frighted, oui. Et Tremora. Tremorama. Tremorama. Tremorama, exactement. Le groupe a sorti deux albums et ils se sont formés en 2011. Voilà, ils nous viennent de Grenoble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous allons enchaîner avec des nouveautés et aussi avec des choses à gagner. Ouais, n'oubliez nouveautés, pas... Nouveautés, ça, c'est pas nouveau non plus. Que tu. Ah si. Le groupe n'est pas nouveau, ah, oui. Mais l'album est nouveau. Hein. Le groupe, les gens l'attendaient depuis pas mal de temps. Enfin, cet album studio, les gens l'attendaient, puisqu'ils avaient sorti un album live, rappelez-vous, au Hellfest, puisqu'ils avaient joué au Hellfest l'année dernière. Le groupe s'appelle Trust. Trust, excusez-moi. Ah, bien. Mais je prononçais à la française. Hein, Trust. Donc Trust, c'est pas triste. Elle est bonne celle-là. Je la retiens du coup. Comment on truste ça alors ? Et c'est dans le même sang. Et non pas dans un bain de sang. Hein. Non, non, c'est dans le même sang. Ça, c'est le titre de l'album. Ouais, ça a été trusté où ? Ça a été trusté, je sais plus. Ah, si. En région parisienne, dans les anciens studios de Vogue. Ah, c'est où ça ? Tu sais ? Par là. Rambouillet, peut-être. Je sais plus si c'est pas Rambouillet. Enfin bref, il me pose des cols celui-là, mais c'est pas possible. Bah, ouais. La fessée. C'est le 9e album studio du groupe, il contient 13 titres. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est pour moi le tube. C'est-à-dire, vous savez, dans chaque album, il y a un tube qui surclasse tous les autres. Sauf que ce tube-là, il te fait pas revenir. Ah ouais, c'est l'Exterminateur. Voilà, et moi j'ai adoré ce titre de Trust, c'était vraiment excellent. Toujours sorti chez Vericord le 30 mars, donc il sort dans 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Alors c'est un peu moins hard rock, on est plus dans quelque chose d'assez bluesy, d'assez rhythm and blues. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien. Il y a des chœurs féminins tels qu'on les a vus sur scène lorsqu'ils ont fait leur tournée, parce qu'ils ont fait une tournée avant la sortie de l'album. C'est assez curieux, mais c'était vraiment très très bien. C'était une tournée pour fêter les 40 ans du groupe. Voilà, le groupe étant né en 1977. On va s'arrêter là sur Trust, puisqu'il y a un CD, un DVD, pareil, avec des interviews, un petit... Je crois que le CD doit durer 40 minutes, je ne sais plus ce qu'il y a exactement sur le CD. Enfin bref, vous pouvez le gagner, donc comme ça vous saurez ce qu'il y a sur le DVD. Vous pouvez le gagner au 06... 81-01-28-34. Sachez juste que cet album a été produit par Mike Fraser, producteur d'AC/DC, Metallica, Aerosmith. Hein. Bon, voilà, vous aurez compris la teneur de cet album. Dernier point, l'album a été enregistré en 3 jours. Dans les conditions du live, comme cette émission ce soir. Nous enchaînons ensuite avec No One Is Innocent. Encore un nouvel album d'un vieux groupe. Parce que maintenant, on peut dire que c'est un vieux groupe, puisqu'il a plus de 20 ans, hein, je crois, le groupe, 25 ans peut-être. J'ai pas ça en tête. T'as pas ça en tête. Bon, bah, c'est pas grave. L'album s'appelle Frankenstein. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle What the Fuck. Merci, Tom. Je vois que tu es au taquet. L'album sortira également, comme celui de Tross, le 30 mars. Il contient 11 titres. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Qui sont en concert le 30 mars, voilà, Canal 93. Oui, pour la sortie de l'album, au Canal 93, à Bobigny. Et tu connais cette salle ? Oui, puisque j'ai été voir Patrick Ronda il y a 15 jours, 3 semaines, et c'était vraiment très bien, je connaissais pas la salle, et maintenant je l'ai découvert, et elle est géniale. Le groupe nous vient de Paris, il s'est formé en 1994, l'album est produit par Fred Duquesne, que tout le monde connaît, bien entendu. Et l'album est aussi à gagner, au 06. 81-01-28-34. C'est quoi, ils aiment entendre le numéro de téléphone, ils doivent le connaître par cœur. Oui, garde-le sous la poche, on le redonnera tout à l'heure, parce qu'il y a encore d'autres choses à gagner. Oui, enfin, il y a plein d'autres choses à gagner. Alors, pour No One Is Innocent, qu'est-ce qu'on pourrait vous... Ah oui, No One Is Innocent a fait un concert récemment, en hommage aux personnes décédées au Bataclan. Il y avait des invités très spéciaux sur cette scène en hommage aux victimes. Et j'aimerais que vous me disiez un petit peu qui étaient ces personnes. Alors attention, c'était pas forcément des gens qui sont décédés au Bataclan. Ça correspond peut-être à quelque chose qui a eu une antériorité. Quelque chose avant. À voir. Et on finira avec un autre groupe français de la région parisienne. Le groupe s'appelle Lumberjack. Ils sortent leur premier album. Avant ça, ils avaient sorti un EP. L'album sortira le 5 mai. Donc on est vachement en avance. Et il s'appelle Alone, point d'interrogation. Ce soir, nous ne sommes pas Alone. Nous sommes en charmante compagnie avec nos invités. On vous le rappelle. Below the Sun, l'association. Mathieu de Conscience qui viendra nous présenter et ce qu'il est en train de préparer. Et le concert qui aura lieu justement au mois de mai également. Et c'est bien ça, hein, mon cher Mathieu, c'est bien au mois de mai. Et il y aura également Antoine de Hidden City qui viendra nous parler également de ce qu'il proposera bientôt le 7 avril dans son association. Donc on en revient à Lumberjack. Le morceau s'appelle The Abduction. Yes. C'est une autoprod. Et c'est, comme je vous le disais, le premier album qui fait suite au EP de 2014. C'est un quintet de heavy rock formé en 2013. Ils nous viennent de Paris et ils seront au concert au Motocultor les 17, 18 et 19. Ça, c'est les dates du Motocultor. Je ne sais pas exactement à quelle date ils joueront, mais ils seront au présent au Motocultor, les Lumberjack. On envoie tout de suite la musique sans plus attendre. C'est parti, mon kiki. Ça reviendra au canard. 06 80 01 28 34.

De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Que l'on soit en direct ou en rediffusion, nous sommes là. N'est-ce pas, Tom ? Oui ! Et on est même sur le site archive.org pour les podcasts. Yes ! Et on va citer également les rediffusions, oui. Puisque nous sommes rediffusés le dimanche sur. Le dimanche ? Oui, le dimanche. Oui, sur Radio Bourrin. Oui, bravo. Et Metal Invasion le lundi soir. Et Metal Invasion le lundi soir, exactement. Mmh. Voilà. Donc on va citer quand même nos partenaires. On va saluer également Eric Flynn et Radio Biz, hein, qui nous font confiance depuis quelques années maintenant. Merci à eux. Qui se trouvent au Canada, eux, par contre, hein, ouais. À Glagla, quand même. Hein. Alors ils se sont foutus de notre tronche quand on a eu 2 cm de neige. Ah, j'ai pas aimé ça, hein. Ils ont dit ils ont 2 cm de neige et le monde s'arrête en France. Non, ils ont raison. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Unia. Unia, ils seront en concert le 31 mars, donc ce sera samedi prochain. Ouais, c'est ça, samedi prochain. Et ce sera au Bus Palladium. Ils seront pas tout seuls, hein, ils seront avec Apolline, deux groupes du label M&O Music. L'album de Unia sortira, c'est une release partie, donc il sortira le 31 mars lors du concert. C'est pas un album, c'est un EP 6 titres qui s'appelle Love in Cage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Que ça sonne un petit peu, comme vous l'entendez, assez doux, assez prog, assez Pink Floyd-esque. Ça se dit, ça ? Ouais, ça se dit, j'avais envie de le dire, alors ça se dit. Voilà, et ma foi, bon, je pense que ça sera très bien. On n'a pas de place à vous faire gagner, malheureusement, mais ça sera quand même au Puce Palladium le 31 mars. Allez les voir. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé là tout à l'heure. On a écouté Trust, c'était suivi de No One Is Innocent. Et on a terminé avec les Lumberjacks. On vous rappelle que cette émission est une émission 100% groupe français ou French metal, comme vous voulez. Enfin bref, il n'y a pas que du metal, hein. Ce sera du rock, du blues, du jazz et puis du prog. Et nous. Ouais, il y a du très bon, mais on t'entend pas bien dans son. On n'entend pas bien dans son micro. Il était pas allumé. Ah, voilà. Allume c'est le pour micro. Ça, il y a du bon chez les Français, je trouve. Ouais, moi j'adore les groupes français. Bon, vous le savez, hein, le Rock for Show. Depuis des années, on a encensé les groupes français. Puis on a même créé un festival pour eux. PMFF. Ah, on va en reparler parce que je crois qu'il y a des groupes qui. Bah, on va en reparler maintenant, tiens, bientôt. L'Ophophora, ce sera la prochaine diffusion. On reste dans l'acoustique, vous avez vu. Hein, c'est... Tiens, d'ailleurs, Mathieu, quelques petites notes. Oui, quoi, encore quelques petites... Fais-nous quelques petites notes avec ta guitare, mon petit Mathieu, pendant que je pars. Tiens, voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh. Tiens, tu peux couper le son de Ounia et puis on va écouter Mathieu pendant que je parle, c'est super. Vas-y, joue bonhomme, joue. Alors L'Ophophora sort un nouvel album qui s'appelle Simple Appareil, ou Simple Appareil, ouais, ce sera mieux, Simple Appareil. Ouais. Et c'est exclusivement un album en acoustique, mais de morceaux originaux, quoi. C'est pas des reprises, c'est pas des anciens morceaux. Ils ont créé un album tout en acoustique et je vous propose de découvrir le morceau La Splendeur ce soir. Ça sort chez Atom le 6 avril, donc la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? C'est un album entièrement acoustique de 11 titres. Voilà, c'est un quartet de fusion, ils sont parisiens, ils se sont formés en 1989 et surtout ils seront en concert donc le 6 avril à Shell. Et ils seront également en concert là, pour, à la Maroquinerie. Ce sera le gros concert à la Maroquinerie le 7 juin prochain. Et on a des CD de cet album acoustique à vous faire gagner. Au 06 81 01 28 34. Alors on ne vous dit pas, mais la question c'est qui joue derrière pendant que je suis en train de parler ? On vous l'a dit. Hein, donc hein, qui joue ? Voilà les quelques notes que vous entendez. C'est beau. J'ai presque envie de m'arrêter et de le laisser jouer. Non, ouais. Continue. Ah bon, je continue. Alors, nous enchaînerons avec un groupe qui a joué justement au Paris Metal France Festival, qui a ouvert pour une des journées du Paris Metal France Festival. Le groupe s'appelle Octane et aujourd'hui, ils nous sortent leur troisième EP, 6 titres. Et je vous propose de découvrir, vous l'avez tous découvert en exclusivité sur les réseaux sociaux, sur YouTube, un peu partout. Le morceau s'appelle Bullshit, il ouvre ce EP magnifiquement. C'est un morceau qui envoie bien, donc avec voix féminine, voix masculine, Alex Morgan, pour ce qui est les parties chantées. L'album sort là maintenant, le EP sort là, donc courant de la semaine. Et ils nous viennent de la Mayenne. C'est un groupe, un quartet de heavy rock qui nous vient de la Mayenne, de Laval, pas très loin en tout cas. Et vous pourrez les retrouver en concert. Ils sont en train de préparer tout un tas de dates. Attends, oui. Je vais te couper parce que là tu dis Laval en Mayenne. Dis bien Laval en Mayenne en France parce qu'au Québec, il y a un Laval aussi. Il y a Laval qui est jumelé ensemble. Voilà. Oui, Mayenne donc... aussi Bien, bravo. Donc Laval. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire en France ? Alors on va citer les autres collaborateurs hein, du groupe. Il y a Fabien et Laurent qui ont aussi œuvré, qui œuvrent dans le groupe. Sachez que le groupe actuellement a fait quelques petites dates avec Tagada Jones et que ça s'est merveilleusement bien passé. Vous pouvez retrouver les témoignages de ces concerts sur Facebook, le Facebook de Octane. Voilà. Et puis on va saluer également Florence et Carole qui s'occupent du groupe Octane. Nous allons enchaîner maintenant avec l'association Below the Sun. C'est à vous, votre heure de gloire a sonné, mes chers amis. Caro, Valérian, je vais vous laisser parler de... Déjà, je vais annoncer le groupe que l'on va diffuser. Ça s'appelle Dacha Mandala. Et ils seront en concert pour l'association Below the Sun. Maintenant, c'est à vous. L'association existe depuis combien de temps ? Alors, bonsoir tout le monde. Alors, nous, on existe depuis 3 ans. On vient de fêter nos 3 ans, d'ailleurs, à l'International samedi dernier. Mmh. Avec des copains qui sont venus de jamais. Et notre prochaine date, ça sera donc Dacha Mandala à la Boule Noire, le 11 avril, avec en première partie Howard et She-Wolf qui viennent de Paris. Alors c'est une association qui existe depuis 3 ans, comme tu l'as dit. Oui, c'est ça. Et vous avez fait combien de soirées à peu près maintenant ? Alors c'est Est-ce une que bonne question. Non, à peu près. 200, 300, pas 2000. Du tout, on en fait on en fait actuellement à peu près 2 par mois environ, et au début c'était un petit peu moins. Il y a une trentaine de dates, je pense, une 30-35. Oui, voilà, c'est 35, ça. 30-35 dates depuis 3 ans. Mm-hmm. Environ voilà. 70 groupes. D'accord, donc ça groupes. Fait 10 dates par an à peu près. Un peu au départ, sachant que ça a pas mal évolué, au début on faisait une date tous les 2-3 mois mm-hmm. tranquille. Mais voilà, c'est vrai qu'on se développe un petit peu. Et là, on prépare également notre tout premier festival qui est prévu pour le mois de mai, sur 2 jours, au FGO Barbara, c'est à Paris, à Barbès. Avec qui des s'appelait anciennement Espace Barbara. Tout à fait. Ah, je ne savais pas. Là où... tu me l'apprends. Je peux même t'apprendre qui a joué en ouverture de cette salle, c'était Misanthrope. Misanthrope. Non, pas okay. C'était Misanthrope. Et on avait assisté à ce concert. Et depuis, j'avais jamais revu de concert de métal ou de rock un peu puissant. Donc, c'est une très belle salle. Je sais que quand on y a été, nous, elle était toute neuve. Donc, les frigos étaient tout neufs. Oui, l'espace est très convivial. C'est une salle assez moderne. Elle a une dizaine d'années. Donc, elle est vraiment super. On l'a visitée récemment. On a été assez bluffés. On a eu un petit coup de cœur pour cette salle. Donc, elle se trouve pas loin de Pigalle, hein, puisque c'est sur le même trottoir que... Oui, c'est ça. C'est le même trottoir que la Loco, Élysée Montmartre et tout ça. Tout à fait. C'est avant, je crois. C'est une salle qui fait du suivi d'artistes aussi, je crois. Oui, c'est une... Il y a un studio, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses là-bas. Voilà, donc, maintenant, ça s'appelle comment tu me dis ? Le FGO Barbara. FGO Barbara, donc voilà. Fleury Goutte d'Or, c'est ça ? Et le nom du festival, ce sera le Fuzzy Sounds Festival. Et ce sera à quelle date ? 11 et 12 mai, donc un vendredi, un samedi. Bon, alors vous reviendrez peut-être ici. Le jeudi 10, c'est férié, voilà. Très bien. Quels sont les groupes, la couleur un peu des groupes que vous faites jouer ? Est-ce que c'est tout autour du stoner ou est-ce que c'est varié ? C'est plutôt orienté à la base au niveau du rock stoner et psychédélique, un petit peu de doom aussi, du heavy rock. Donc c'est tous ces styles un petit peu apparentés au rock 70 psychédélique. Avec de temps en temps des petites hors-séries pour histoire de s'élargir un petit peu au niveau d'autres horizons. Ça peut être grunge, hardcore, avec des groupes qui ont plusieurs influences aussi. Parfois, ça relie le blues. Voilà. Très bien. Alors, ce soir, on a choisi de parler de Dacha Mandala. Hein, on a choisi le titre D.A. Blues, sorti de leur album Rock, R-O-K-H, bien entendu. Sorti chez MRS Sound on 10. En 2017, et c'est un 8 titres. Tu peux nous rappeler la date où on va pouvoir les retrouver et avec qui ? Autre groupe. On va les retrouver le 11 avril à la Boule Noire et ça sera également avec Howard, qui est un petit groupe parisien qui décolle pas mal en ce moment. Ils utilisent un orgue, c'est vraiment super à voir, il faut pas les rater. Et She Wolf, qui est un groupe parisien aussi, qui a des influences grunge et psychédéliques. C'est un groupe de filles et c'est super sympa aussi. Le prix d'entrée ? Le prix d'entrée, il est de 10 euros, il me semble, en pré-vente. Non, pas du tout. 14 et 17 sur place. Et aussi, on a une petite surprise à annoncer éventuellement. C'est qu'on va vous faire gagner une place. Très bien. Du coup, je vais vous laisser rappeler le numéro de téléphone. Mais le premier qui appelle gagne sa place pour Dacha Mandala le 11 avril à la Boule Noire. 06 80 01 28 34. Juste une question. L'asso Below the Sun est en lien avec quoi ? Comment a été créé cet asso ? C'est-à-dire ? Comment En fait, à la base, on est trois potes à la base qui avons voulu. Déjà, on est fans de concerts, on est fans de l'orga, des Stone Gatherings. Qui a un peu amené le stoner à Paris, le doom aussi. Donc voilà, on a voulu créer nos propres concerts, surtout pour développer les petits groupes parisiens, faire connaître d'autres groupes internationaux un petit peu moins connus. Donc voilà, à la base on était trois, et là depuis peu on s'agrandit un petit peu parce qu'on avait besoin d'aide. Donc par exemple Valérian qui est à côté de moi nous a rejoint il y a deux semaines à peine. Pour D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on est là ce soir. Et donc, il gère toute la partie relations presse. C'est grâce à lui parce qu'il a grassement payé. Merci. Évidemment. Ça va sans dire. Fallait pas le dire. c'est naturel. Et voilà, donc aujourd'hui, on est 6 à peu près. Et on s'apprête également à recruter une 7e personne. Et là, je pense qu'on sera pas mal. C'est chaud, ça, hein, faut faire gaffe. Hein. Allez, on envoie la musique et on se retrouve tout de suite après. N'oubliez pas, 06 80 01 28 34 si vous voulez rafler. Si vous voulez rafler des places et surtout des albums, parce qu'il y a des albums aussi de Lofofora à rafler. Musique. Tournant, qui attend au tournant. donner le bonheur, d'apprécier la splendeur de nos erreurs, la splendeur de nos erreurs. De retour dans les studios du Rock for Show, j'espère que cette émission 100% en groupe français vous plaît. Alors attention, on va continuer avec ce que vous entendez en fond sonore. Le groupe s'appelle Ron Moore, il sort son deuxième album le 30 mars. Quand on vous a dit que tout le monde sortait en même temps, c'est pas de la blague. Ça sort chez M&O Music, l'album s'appelle Youth. C'est du rock alternatif, c'est sympathique. Le clip qu'ils ont sorti, que vous pouvez voir sur tous les réseaux sociaux, s'appelle Red Lips. Et ma foi, c'est assez sympathique. Allez, on en écoute quelques notes. Ça suffit, on en repassera dans une autre émission. En tout cas, vous pouvez appeler au 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler l'album de Ron Moore qui s'appelle Youth et qui sortira le 30 mars. C'est-à-dire dans deux jours, les amis. On va continuer. Et avant, on a écouté quoi ? Ah, avant, qu'est-ce qu'on a écouté ? Bah, que des trucs bien. Bah, de toute façon, parce que des trucs bien hein, dans le Rock for Show. L'Ophophora Octane et Dacha Mandala. De l'association Below the Sun, que l'on retrouvera tout à l'heure. Hein, on va laisser un petit peu parler nos autres invités et on retrouvera Below the Sun tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler d'un autre concert qui va bientôt avoir lieu, enfin au mois de mai, hein, mon cher Matt, puisque tu y joueras avec la conscience. Attends, Matt, tu vas tout refaire. Ouais, tu vas tout refaire, même tu vas même débrancher et rebrancher ton micro. Voilà, on recommence. Parce que t'as un souci de contact apparemment. Voilà, tu vois, c'est bon. Allo. Oh là, ça passe. Et là, bon, du coup, bonsoir Matt. Ça va bien. S'il nous fait ça à toutes les interventions, ça va être chiant. Hein. Attends, il est chiant ce mec. Vas-y, go. Allez, Matt, on va parler donc de ce concert qui aura lieu au mois de mai. Bah, je vais te laisser en parler puisque c'est tes petits camarades de jeu qui vont œuvrer avec toi. Et surtout, on va retrouver conscience avec des nouveaux morceaux. Avec des nouveaux morceaux et oui, on continue de dévoiler petit à petit notre futur album qui est en train de finir de s'enregistrer en fait. Et on va jouer le 4 mai au Plessis Rambasson, à la Maison des Arts au Plessis Rambasson avec Evenline qui sera en tête d'affiche. Je sais pas si tu veux dire quelques mots sur Evenline. Ah ben on va en parler, mais présente la soirée, on en reparle après. Et écoute, 4 mai, Evenline. Ah, ça y est, je m'entends. Ouais, on t'entend mieux. Exactement. Écoute, rien de particulier. Ça faisait un petit moment. Alors, non, il y a un troisième groupe, exactement. J'ai pas tout ça sous la main. C'était pas. Alors, attends, je vais voir si moi je les ai. Non, je l'ai pas. C'est pas Rapture Farm, non ? Je te retrouve ça tout de suite derrière. Non, non. Je te retrouve ça tout de suite dans la foulée. Bon. retrouve pendant ce temps-là, si tu veux, je peux parler d'Evenline, si tu veux. Vas-y, hein, parle d'Evenline, je te retrouve. Alors, on va parler d'Evenline parce que, comme ils sont tête d'affiche, eh bien, on va passer à un morceau tiré de leur dernier album qui s'appelle In Tenebris. Et le morceau s'appelle Broken Promises, mon cher Tom. C'est sorti en 2017, c'est sorti chez Do It, et là aussi, vous allez pouvoir rafler l'album d'Evenline au 06 81 01 28 34. Vous voyez ça un peu ? Et surtout, Evenline a joué, on a été voir Evenline, ils ont joué aussi. Il y avait conscience aussi, il me semble. Oui. Ah, il y avait conscience. Il y avait un troisième groupe aussi, mais j'ai perdu. Alors, le troisième groupe, c'était qui ? Je sais plus. Attends, Matt, il va nous le dire. Alors, le troisième groupe pour le 4 mai déjà. Ouais, alors le troisième groupe pour le 4 mai. C'est avec R Blonde Covers qui jouera, qui sont des potes aussi. Et en fait, ça faisait un petit moment justement parce qu'on avait joué au backstage avec Evenline sur scène, sachant qu'on partage un musicien en commun avec Evenline, puisque. Ce fabuleux Tom qui est homme orchestre, bassiste, guitariste. C'est pas le nôtre, c'est pas le nôtre. Non, parce que lui il fait tout aussi, il fait le ménage, il fait la cuisine, il fait la radio, il fait tout lui aussi. Hein. Et qui est donc bassiste dans Evenline, guitariste chez Conscience et avec qui on est en train de produire le nouvel album de Conscience. Ça faisait un petit moment qu'on voulait refaire une date tous ensemble et donc voilà, c'est l'occasion au Plessis Rambasson le 4 mai. Très bien, donc on va essayer de venir vous voir. Donc je reviens à Evenline et Conscience qui avait joué au Backstage. Backstage, c'était pour la sortie de l'album d'Evenline, qui est un très bon album d'ailleurs et que je recommande à tout le monde. Et surtout si certains ne les ont pas encore vus sur scène, ouais, ça vaut le coup. Voilà, hein. Ça a des potes sur album, mais ça a des potes sur scène aussi. Ouais. Alors l'album In Tenebris, sorti chez Do It Records. Alors la question, si vous voulez rafler cet album, Et bien, c'était quelle était la date du Backstage from the Mill joué et partagé avec Conscience. Voilà, c'était en 2017. C'est ce qu'on peut vous dire. C'est le deuxième album du groupe pour Heaven Line. Il contient 10 titres. C'est un quintet de métal alternatif tel qu'ils se définissent. Le groupe s'est formé en 2009. Ils sont français, ils nous viennent de Paris et ils seront donc en concert le 4 mai au Plessis Robinson avec Conscience. Nous enchaînerons ensuite. Il y aura également des... Je suppose on peut faire gagner une place. Ah ouais, complètement. On peut faire gagner une place. Donc voilà, CD de Heaven Line plus une place pour aller voir donc Heaven Line Conscience. Et rappelle-moi l'autre groupe. Our Blonde Covers. Très bien. j'espère que je me rappellerai jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. Nous allons enchaîner ensuite avec Conscience. Alors là, tu nous as fait encore un cadeau, comme à chaque fois. Une exclusivité, puisque ce n'est pas un titre complet, un nouveau titre, mais plusieurs nouveaux titres. C'est ça. Relié dans un medley, un teaser, je te laisse expliquer. Écoute, toujours le même principe, ça fait quoi 15 ans maintenant que le Rock for Show nous suit et nous soutient, etc. Donc en général, quand on a un cadeau à faire, ça passe d'abord par le Rock for Show. Et là, bah, on est en plein en train de mixer ce nouvel album. Les parties batteries sont en boîte, il y a une bonne partie des parties guitare qui sont en boîte, etc. Et donc on a décidé de venir ce soir avec sous le bras plein de petits bouts de ce qu'on est en train d'enregistrer. Et donc c'est des riffs comme ça en cascade, hein, c'est pas un morceau complet. Il y en a certains qui sont pas encore complètement mixés comme il faut, mais au moins ça vous donnera un aperçu de la tête de l'album. Et en plein milieu, on vous a laissé un bout un petit peu plus long, ce qui sera le single de l'album qui s'appelle At Night. Et donc voilà, et dès que At Night est terminé, est-ce qu'on retourne aussi, sur un concept encore à travers cet album? Écoute, il y a, en fait, dans toutes les paroles, il y a quand même des liens entre les différents morceaux. On l'a pas écrit, voilà, on l'a pas écrit comme un concept, comme l'était l'autre qui racontait toute une histoire. Et on a trouvé un petit peu tous les liens entre les morceaux, mais vous allez l'entendre dans les passages qui vont passer. Le fait de pas avoir été vraiment cantonné à une histoire nous a permis d'aller explorer plein de trucs qu'on n'avait jamais exploré jusqu'à maintenant. Et donc voilà, on s'est laissé aller. C'est pas réfléchi, c'est pas formaté, c'est pas tout ça. À des moments, on s'est juste laissé aller à ce qu'on avait envie de faire. Et donc voilà, ça va donner un album assez éclectique. On va retrouver combien de titres à peu près sur le concert du mois d'avril? Sur le concert, mais, parce que sur l'album, il y aura 8 titres. Et sur en mai, on va en jouer 2 ou 3 du nouvel album. En fait. D'accord, très bien. Donc ne ratez pas, c'est le 4 mai au Plessis Robinson. Et voilà, et vous pouvez rafler dès maintenant une place au 06 81 01 28 34. Bon, c'est simple, vous nous donnez le nom et prénom de la personne qui vient de vous parler et qui joue dans Conscience. Voilà, on va enchaîner maintenant. Ou le pseudo. Oui, ou le pseudo. Le pseudo, oui, ça marche, hein, bien sûr. Nous allons retourner avec l'association Below the Sun. Et là, nous allons parler, nous allons passer à table avec un steak, hein, puisque c'est le nom du groupe. Et vous savez que dans n'importe quel... émission, lorsqu'on fait un 100% français, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Bah, moi j'ai cru que steak c'était comme un steak en français, et en fait non, c'est un groupe anglais. Donc je vous laisse en parler. Oui. Caro, pas toi. Alors, Caro, non, Caro. Caro. Caro, réveille Caro. Donc steak seront présents à notre festival, le premier festival en mai. 11 et 12 mai, ce sera au FGO Barbara et ils joueront le samedi 12. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est... Il y aura combien de groupes à ce festival? Alors, il y aura en tout 10 groupes. 10 groupes. Il nous reste un groupe à annoncer, 4 groupes le vendredi, 6 groupes le samedi. Des groupes étrangers, des groupes français? Il y a les deux. Il y a une majorité de groupes français, on va dire. Il y a quelques groupes aussi internationaux. On peut les citer ou pas? Bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, le vendredi, nous allons... Je commence par les groupes en tête d'affiche ou... Tu peux les mettre dans le désordre, dans l'ordre, ce que tu veux, puisqu'on en annoncera après l'affiche. Voilà, donc le vendredi, ça va commencer vers 20h. Il y aura Witchfinder, qui sont français, Aluna, qui sont anglais, Stonebirds et Your Highness, qui sont belges. Une fois. Voilà, ça c'est pour le vendredi. Et le samedi, on a un peu plus de groupes. Il y en a 6. Donc la tête d'affiche, c'est Mars Red Sky. Vous aurez aussi Decasia, Domadora, Glosson, Steak, qu'on va donc bientôt écouter, et un groupe qui nous reste à annoncer. Voilà. Très bien. Alors, vous aurez tout compris, on vous rappellera tout ça en fin d'émission. Steak, c'est tiré de leur album No God To Save. Je crois que c'était le premier album du groupe. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Mountain, sorti chez Reaper Music en mai 2017. C'est un quintet de stoner. Ils se sont formés en 2010. Ils nous viennent du Royaume-Uni, de Londres exactement. Et ils seront donc en concert au mois de... C'est mars, c'est ça ? Mais c'est le 12 mai. Celui-là, ce sera le 12 mai, donc... À FGO Barbara, on envoie tout de suite la musique, on vous rappelle, Evenline, Conscience et Steak. From me. Yeah. De retour dans les studios, aux douces mélodies de Malmort, tirées de leur album Baltrap, sorti en 2016. Et oui, il y en a un qui nous l'a refilé en 2017. Fumier de Monsieur Martinez, hein ? Bon, on salue quand même Ultra Rock, hein, il nous a dit que c'était son meilleur album de 2017. Mais quel fumier, mais quel escroc celui-là ! Ils l'ont sorti en 2017. Non, ils l'ont sorti sur un vrai label en 2017. Voilà, mais voilà. L'album était sorti et on l'avait reçu en 2016. Ils ont triché. Ouais. Bon, tout ça parce que c'est des amis. Bon, allez. Vous êtes mes amis aussi, les Malmorts. Baltrap est un putain d'album. Il faisait partie d'ailleurs de notre... Bah oui, il faisait partie de notre top 10 2016-2017. On le mettra en 2018 aussi, hein ? On fera ça. S'ils sortent un live, ouais. Ouais, s'ils sortent un live. Sachez qu'ils seront en concert le 5 mai à la Boule Noire avec Disconnected et Molly Baron. Avant ça, on a écouté Freak, juste avant... Steak. Non, Freak, c'était pas là, c'était Steak. Et avant Steak, on a écouté... Qu'est-ce qu'on a écouté, mon cher Tom ? Conscience, bien entendu, avec le petit medley derrière les fagots. Ils sont en concert au Plessis Roumasson avec Kevin Lang, qu'on a écouté juste avant. Voilà. Oui, et le troisième groupe. Et Arblon Covers. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu. Ouais, qui est, parce qu'on n'a pas trop parlé tout à l'heure, qui est un groupe qui a pas mal tourné pendant un moment, qui est en train de préparer un nouvel album. Et comment les définir ? Faudrait qu'ils soient là. Un petit là, peu mais, dans les styles Foo Fighters. Ouais, un peu comme ça. Bien rock, hein, qui envoie bien. Voilà. À découvrir donc. Stone. Au Plessis, Robinson. Et rappelle la date ? Le 4 mai 2018. Donc dans pas longtemps, et on vous attend nombreux. 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler votre place pour aller voir Conscience Evenline au Plessis Robinson. On enchaîne donc avec l'affiche Disconnected, Molly Baron et Malmort que vous entendez en fond sonore. Donc Disconnected, c'est un groupe qui est sorti le 23 mars, il sort son album qui s'appelle White Colossus. Sorti chez Apatia Records, un très beau petit label. C'est le premier album du groupe. Alors des Disconnected, il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a aussi un groupe qui s'appelle Disconnected. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est vraiment excellent, dont on avait parlé dans le Rock for Show. Mais celui-là, c'est en un seul mot, avec deux N, Disconnected. C'est le nouveau projet en fait imaginé par Adrian qui joue dans Melted Space. On va vous parler de Melted Space bien évidemment dans cette émission également. Donc voilà, très très très polyx le personnage, et les principales influences sont entre Alterbridge, excusez-moi, Deftones et puis Gojira, donc à retrouver dans cet album de Disconnected. On enchaînera ensuite avec Identity, c'est ça mon cher Tom ? Non ? Non, j'en ai oublié. Molly Baron. Alors c'est des amis communs à MF Crew, un petit peu toute la scène. Hein. C'est le groupe qui monte tout doucement. Ils montent très très bien. Hein. Vraiment très excellent, avec un chanteur irlandais, c'est ça ? Je crois, hein, qu'il est irlandais. L'album s'appelle Molly Baron. J'ai pas dit au fait le titre que l'on allait diffuser de Disconnected, qui s'appelle Living Incomplete. C'est ça ? Un peu comme toi, incomplet. Ouais, incomplet, c'est moi. Ouais, voilà. Mais je reviens donc à Molly Baron. Vous allez rien comprendre, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Tiens, je vais te laisser annoncer le titre que l'on va diffuser de Molly Baron, puisque tu fais le malin en chantant. Allez, vas-y. Fear is better business than love. Putain, merde, il l'a bien dit, c'est pas possible. Mais il a pris des cours pendant ces temps. Il s'est entraîné. Oh là là là là. Bon, l'album est sorti en 2016, c'est une autoprod. C'est le premier album du groupe, il contient 10 titres. Et c'est un... Bah, ils font du stoner aussi, un petit peu. Hein. On peut... Un mélange. On va dire ça. Ouais, il y a un gros mélange. En tout cas, c'est vachement bien. Et souvent, il y a des stripteaseuses sur scène. Moi, j'aime bien. Enfin, quand on a été les voir, il y avait des stripteaseuses. Donc j'avais bien aimé. Hein, Tom ? Ouais, c'était à l'entracte. Hein. Ah, c'était l'entracte. Non, mais j'ai vu qu'il y avait un show. Je sais pas si ça va être pour ce concert-là, mais j'ai vu qu'il y avait un show avec stripteaseuses. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce sera donc à la Boule Noire le 5 mai. Ah bah, il y aura plus de place qu'à Mécanique Ondulatoire, ça c'est exactement sûr. Exactement. Mais surtout, ils seront le 31, donc là, très prochainement, à Tancrou pour le No Limit Festival. Tancrou, c'est dans le 77, hein, c'est au fin fond du 77. Donc allez les voir, il y a a des motos, je crois, il y a des voitures, des expositions de motos et de voitures. Ils joueront à midi. Et ils joueront à midi, donc les Molly Baron. Donc ne les ratez pas. Au festival de Tancroux, je crois que notre ami Valérian est aussi un peu dedans. Oui. Mais t'es avec partout, les Factor en fait. 8, avec. Non, mais il touche à tout. Hein. Ouais. Ce gars-là, il bouffe à tous les râteliers. Faut bien. Hein, à tous les... C'est pour ça, t'as vu comment il est taillé aussi. Ouais, hein. Faut pas lui en promettre. Hein. Allez, on va passer maintenant à la suite de la programmation avec Iron City. Alors, on recevra Antoine tout de suite après. Iron City viendra nous parler un petit peu de son projet également, puisqu'il il organise un festival. Je vous laisse vous en parler. Pour l'instant, nous découvrirons un nouveau titre de l'album Chronicles, puisqu'il s'agit de... Je te laisse dire. Oh bah d'accord. Bah ouais, tiens, Matt. Antichristos. Antichristos. Oh, bien. Ouais, j'aime bien. En plus, il a mis l'accent et tout. En plus, je regarde ton rider là comme ça et c'est un sextet de death progressif. Et je trouvais que sextet, c'était classe. C'est bien, même, un sextet de death truc. Progressif. Ça, c'était. C'est donc les Iron City qui ont joué au Paris Metal France Festival. Ne l'oublions pas. Tout le monde a joué au Paris. presque. Non, ils aimeraient tous y jouer. C'est vrai. Formés en 2008, ils nous viennent de Paris. Et ils seront donc en concert. Mais ça, on va vous le garder pour la suite, puisque ce sera Antoine qui vous en parlera. On envoie tout de suite la musique sans plus attendre. Et on se retrouve tout de suite après avec Antoine. We'll be right back. Yo, voilà, de retour, donc, le Rockfort Show, vous venez d'écouter Hidden City, tiré de l'album Chronicles. Juste avant, nous avions affaire à Molly Baron, et encore avant, c'était, mon cher Tom, les Disconnected. Yes, mais on est reconnecté. Voilà, on est reconnecté, et ce que l'on entend, c'est Mankind qui seront, eux, en concert au mois de mai, hein, puisque ce... Voilà, je suis un petit peu perdu là. Non, c'est bon, j'ai retrouvé mon fil. Ça sera le. J'ai retrouvé mon fil. Elle est bonne celle-là. Ça sera le 5 19... mai à la Boule Nord. Non, le 19 mai. Ah non, c'est Maudit Baron. Le 19 mai, le club avec Jadas et Rapture Farm. Un groupe que l'on avait vu jouer, il me semble, avec MF Crew, non ? Rapture oui. Farm hein, ouais, mais il a plus de micro parce ouais, qu'il a plus de micro, d'accord. Ok, très bien. Donc Rapture Farm, c'était lors de l'anniversaire. Enfin, je sais plus ce qu'on avait fait. C'était non, c'était justement pour le concert contre, enfin pour les victimes du Bataclan. Voilà, c'est ça. Hein, c'est bien. Ça veut dire ça. On envoie, on a notre ami Antoine d'Hidden City qui va nous présenter en fait son nouveau projet. Et je vais le laisser parler. Bonsoir à toi, Antoine. Bonsoir Phil, comment vas-tu ? Ça va très très bien, on avait un petit peu peur de pas t'avoir en temps et en heure, mais voilà, oui, maintenant c'est à toi. Désolé. Non, petit problème technique, c'est rien. Alors parle-nous un petit peu de ton nouveau projet qui va avoir lieu le 7 avril prochain. Oui, alors le 7 avril, je viens vous le présenter à la radio parce que c'est un concept un tout petit peu plus compliqué qu'un simple concert. Donc j'ai créé, en fait, pour une soirée parisienne, c'est la soirée Culture Metal Spring Night. Donc on va avoir une soirée avec des concerts, mais pas que. Et le mais pas que, c'est je vais avoir dès l'ouverture un vernissage avec un artiste qui a une sensibilité au métal. Il va y avoir un cocktail offert dès l'ouverture. On va avoir après des performeurs, on va avoir des tatoueurs, on va avoir des stands. On va avoir tout un univers en fait qui tourne au niveau du métal. En plus d'avoir quatre groupes qui vont nous assurer la musique de la soirée. Très bien. Donc ça sera les groupes. Les groupes, on aura Blazing War Machine, on aura Jesse oui, Jess, ouais. Nothing But Echoes et Hidden City. Donc quatre groupes, c'est ça ? C'est ça, quatre groupes. On va avoir Hidden City qui va nous faire l'ouverture, groupe parisien de death metal progressif, avec une violoniste à noter en originalité. Ensuite, on enchaînera avec Nothing But Echoes, des Nantais qui ont été recommandés chaudement par la production de Lone Wolf. On enchaînera ensuite avec des gars d'Annecy, JC Jace. JC, c'est un métalleux heavy metal qui tourne depuis une quinzaine d'années du côté d'Annecy et dont on aura le plaisir de découvrir le son avec son groupe à la soirée Culture Metal Spring Night. Et on conclura en tête d'affiche avec Blazing War Machine, avec le célèbre Frankie Costanza à la batterie. Donc c'est son groupe de metal indus avec Irina en chanteuse, une chanteuse russe vraiment charmante et qui envoie du lourd dans cette formation de Blazing War Machine. Alors c'est une production Serenity Productions. Tout à fait, ouais. Donc c'est moi qui m'occupe de Serenity Productions. Le but de cette asso, c'est de promouvoir la culture métal. Et on le fait avec cette édition de la Culture Metal Spring Night. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première édition. Et on, bien entendu, on soutient tous les gens qui ont comme ça des idées un petit peu grandiloquentes, on va dire. Parce que là, c'est quand même, c'est pas rien. Hein, c'est sur oui. plusieurs univers que tu pars. Et on vous enjoint à tous venir le 7 avril. Ça ouvre à partir de 18h jusqu'à à peu près minuit. Et ce sera au Gibus Live, 18 rue du Faubourg du Temple, dans le 11e à Paris. Hein, donc c'est un lieu que tous les métalleux connaissent aujourd'hui, puisqu'il s'y passe quand même pas mal de choses là-bas. Tout à fait. Je voudrais rappeler aussi que la soirée, en fait, j'ai voulu qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc la soirée est à 20€, c'est un prix unique. Vous avez les places disponibles sur Wiz Event, donc n'hésitez pas à réserver vos places. Le nombre de places est assez limité, c'est en train de fondre, le nombre est en train de fondre comme neige au soleil. Donc n'hésitez pas à réserver à l'avance pour la soirée Culture Metal Spring Night. Voilà, et puis on va refaire un petit peu de promo aussi pour Iron City, puisqu'Iron City sera le 30 mars prochain, là, donc c'est-à-dire samedi. Vendredi. Ouais, vendredi. Vendredi, ouais. À Irani. Vendredi. C'est un warm-up pour justement pour Iron City. En fait, Iron City est en train de préparer son troisième album après l'album Chronicle sorti en 2013 et quelques belles dates pour soutenir cet album-là. Iron City est en train de préparer un troisième album. Il va jouer un nouveau morceau à l'occasion de la Culture Metal Spring Night et il va se faire son petit échauffement en province proche de Paris à Irani au Covent Garden à l'occasion d'un Free Friday. Donc voilà, pour les gars d'Yvelines, de Val d'Oise, les métalleux du coin, n'hésitez pas à venir pour ce warm-up d'Iron City. Voilà, donc concert gratuit, ils seront pas tout seuls les Iron City parce qu'il y aura aussi Old Sparky et il y aura Rebellion of the Loom. Voilà. Alors, je précise, en fait, le Rebellion of the Loom, en fait, le batteur s'est cassé le pied. C'est une info que j'ai eue il n'y a pas longtemps, sûrement les sports d'hiver, malheureusement. Et du coup, ils ont été remplacés par les excellents Molly Baron. Ah! Voilà. Donc, voilà, je le précise, on est en train de faire la communication pour le petit erratum. On est en train de communiquer là-dessus. Donc, ce sera Molly Baron qui assurera. En plus, on veut se faire plaisir, on les met en tête d'affiche. Voilà, ils nous joueront un super set en tête d'affiche pour le Free Friday du Covent Garden. Très bien, bah justement, on vient d'en parler des Molly Baron, puisqu'ils seront donc le 30 à Irani et ils seront le 31 à Tancrou dans le 77 au No Limit Festival. Voilà, et bien écoute Antoine, merci beaucoup pour cette petite promo. On aurait voulu plus. Je te remercie aussi Phil et puis tout le Rock for Show. Voilà, c'est un grand plaisir de vous avoir comme soutien. Eh bien, merci à toi et on se retrouve. Bon, on va essayer de venir faire un petit tour au Gibus Live pour soutenir l'association. Encore un grand merci à toi et on va passer à la suite de la programmation. Bye bye. Bye bye, salut, bonne soirée. Hein ? Ah bon, bah quand je veux, alors j'y retourne. On est toujours sur Mankind, là ? Je sais pas pourquoi tu t'es arrêté. Bah, je me suis arrêté parce que je voulais pas qu'on entende les bip bip bip bip du téléphone, quoi. C'était juste ça. Ah non, mais Valérie, on s'en est occupé. Super. Alors, on va continuer avec Jesse Lee and the Alchemist. Et on a des places à vous faire gagner puisque le groupe va sortir son nouvel album le 13 avril. Et il y aura un concert le 11 avril pour justement la sortie de cet album, donc Jesse Lee and the Alchemist. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Anyhow. Le titre de l'album, eh bien, c'est le titre éponyme du groupe. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Ça sort chez Music Box Publishing. C'est un premier album. Le groupe nous vient de Paris. Et ils sont, je crois que c'est un quatuor qui fait du blues rock avec pas mal d'influences aussi rhythm and blues, soul. Et il y a surtout une voix féminine dessus. Donc vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu craqué. Le groupe s'est formé en 2014. Le concert donc aura lieu le 11 avril à Paris au Triton. Très très très belle salle le Triton. Il y a 4 places à gagner au 06 80 01 28 34. Exactement. Et là il n'y a pas de question, il n'y a rien. On vous les donne comme ça. Ensuite on enchaînera sur Mars Red Sky et on retourne avec l'association Below the Sun. Je vous laisse le mot de la fin pour vous. Alors, Mars Red Sky, ça va être donc la tête d'affiche du samedi 12 mai, notre premier festival, le Fuzzy Sounds Festival au FGO Barbara, Paris 18e. Voilà, donc c'est un groupe français de stoner qui marche plutôt bien, donc on est super heureux de les accueillir. Voilà. C'est tout ? On rappelle le prix de l'entrée ? On rappelle le prix de l'entrée, oui, surtout qu'on l'a pas encore, on vous l'a pas encore dit, il me semble. Alors, le prix du pass de jour va être à 35 euros. On va également mettre en place des early birds à 30 euros. Et donc tout bientôt, hein, les préventes sont pas encore en ligne. On pourra retrouver ça sur toutes les plateformes de oui. Concerts, les Facebook, Twitter oui. Et tout ça. Pour l'instant, c'est surtout sur Facebook. On va bientôt lancer également un site Below the Sun et également avec une partie pour le festival. Donc le pass un jour pour le vendredi, ça va être du 15 euros sur place, non 15 euros en pré-vente, 18 sur place, et pour le samedi c'est 23 et 25, il me semble. Voilà, donc des pré-ventes aussi. Très bien, on t'arrête là. On va pas oublier aussi qu'il y a la warm-up au Dr Feelgood le 18 avril avec un blind test des passes à gagner pour les... Voilà, il y aura deux passes à gagner ce soir-là par le biais donc d'un blind test spécial, évidemment, stoner psychédélique. Donc ça va être le premier blind test au Dr Feelgood au Hall à Paris. Et on va faire le premier warm-up, pardon. Et on fera également une deuxième soirée warm-up, plus concert à l'international. Ça va être le 2 mai. On aura trois groupes, stoner, psyché, etc. Qui ne joueront pas au festival, par contre ? Non. Eux, ils joueront ce jour-là. Donc, c'est le 2 mai. Donc, finalement, c'est assez proche du festival. Donc, les trois groupes, ça sera Tuna de Tierra, Black Wizards et Almighty Raccoon Project, avec un prix libre. Voilà, donc vous avez deux soirées pour vous préparer pour ce festival. Très bien, on rappellera tout ça, on fera la promo sur Facebook également. Mars Red Sky, donc on va vous passer le morceau Strong Reflection, et c'est tiré de l'album Mars Red Sky, sorti chez Emergence Records en 2011. Allez, on y va et on se retrouve après. You're gonna miss a little. You didn't want to mess it up like you always did before. Nothing can ever stop you when you gotta fool around. Now you're just full of regret. Yes, you took love away. You're gonna miss a little. You're gonna miss a little. You wanna feel the same. Ha ha, love, you're gonna mess the love out. You gotta leave anyhow, anyhow. studio. Vous venez d'écouter donc Jessie Lee et Mars Red Sky. On vous rappelle que pour Jessie Lee, des places sont à gagner au 06 81 01 28 34 et il n'y a pas de question, c'est du cadeau. Et on remerciera le label, hein, bien entendu, qui nous permet de vous offrir ces places. Et bien, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Misanthrope, bien entendu. Alpha et Omega, le magistère de l'abnégation. C'était leur dernier album, sorti en octobre 2017 chez Holy Records, bien entendu. Et surtout, ils seront en concert le 4 avril à Paris, à La Boule Noire, avec Melted Space. Une excellente soirée. On n'a pas de place à vous offrir, mais en tout cas, allez-y, et nous, on y sera. Hein. On va finir avec Perfect Line, qui est un groupe de chez Do It. C'est sorti le 16 mars dernier. L'album s'appelle Seeds. Et le morceau que je vous propose, c'est simple, ça s'appelle Get Out. Hein. Je crois qu'on pouvait pas mieux tomber. C'est un trio de rock et on a leur CD, leur dernier CD à gagner au 06 81 01 28 34. D'où est tiré ce titre Get Out? Mes chers amis, Matt, Valérian, Caro, j'aurais dû commencer par Caro en premier. Oui, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Mon cher Tom. Oui, Phil. Et puis mon cher Phil, on se retrouve bientôt, plaisir, incessamment, Phil. Sous peu. On a été très contents de vous recevoir, on vous laisse le mot de la fin. Mais sachez qu'il faudra tous qu'on parle tous ensemble. Il faudra qu'on dise la phrase magique. Mais pour l'instant, si vous voulez dire un dernier petit mot, allez-y. Eh bien, venez surtout au festival Fuzzy Sound, festival le... Merci. À Paris, FGO Barbara. Allez, 11 et 12 mai, et surtout on retrouve Matt avec conscience le... Le 4 mai. 4 mai. Et Evenline. Evenline. Evenline et Our Blonde Covers. Voilà, et ce sera à Auplessis Robinson. C'est ça. Et un petit mot pour finir. On t'entend plus. T'as trop bougé ton micro. T'as trop bougé ton micro. Débranche, voilà. Rebranche. Et il marche plus. Voilà, c'est bon. J'avais fait une super blague. Non. Non, une blague trop tard. Bon, allez, vous êtes prêts? C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. Bye bye. Bravo. Ouais, sauf qu'il a pas envoyé.